Si on parle un petit peu de bande dessinée, des images qui ne bougent pas, quoique entre les cases, il se passe plein de choses. Avec, je vais commencer par là, même si ce n'est pas mon favori de la semaine, Fraises et Chocolat, tome 2, d'Aurélie Orita. On en a parlé il y a pas du tout longtemps. Quelques semaines, je pense que c'était dans la première ou la deuxième émission. On vous avait expliqué que ce n'était pas une parution nouvelle, mais que le 2 arrivait, qu'il y avait une dédicace à la marque jaune, mais qui est passée, donc... On ne va plus vous en parler. Fraises et Chocolat, tome 2, donc, qui raconte les aventures en jeu de Aurélia Orita, mais qui n'est pas en fait Aurélia Orita, qui est Shenda, j'ai oublié comment, qui est elle joue son propre rôle. Avec Fred Boilet, qui est ce français exilé au Japon et qui s'occupe énormément de BD françaises, japonaises et compagnie, qui était notamment à l'origine du projet Japon chez Casterman Écriture. Ouf! Grosso modo, vous n'avez rien loupé dans le tome 1, puisqu'il passe à peu près les 200 pages à faire des choses. Il faut des choses. Avec leurs organes intimes personnels, mélangés dans des positions diverses et créatives, je dirais. C'est assez. Voilà. Ça n'allait pas beaucoup plus loin, mais en même temps, il y avait quelque chose dans la démarche qui était. Je ne vais pas dire frais, parce que c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas assez sympathique, et qui était, bon allez, c'est un livre où on parle que de cul, écrit par une fille et tout ça, donc ça avait pas mal défrayé la chronique à l'époque. Alors on attendait ce tome 2 avec impatience, puisque l'air de rien, le tome 1, on ne peut pas dire que c'était très profond, si j'ose dire. Non, ce que je veux dire, c'est que ça... Dans la description des personnages, ça n'allait pas bien loin. Alors on se retrouve ici avec un tome 2 qui continue sur le même rythme, plusieurs fois par nuit donc, avec des objets, des variantes, des légumes, avec des mains, enfin bon, je vous passe les détails un peu scabreux, mais on attendait clairement de ce tome 2 qu'il aille quand même un chouïa plus loin, parce que on a bien compris qu'ils étaient insatiables et qu'ils ne se quittaient jamais. Quoi, tu voulais du bondage ou non, du SM? Non, justement, on aurait bien voulu qu'il y ait des histoires aussi. Tant qu'à faire. Or, dans ce tome 2, c'est vrai qu'on a des petites histoires, on a Fred et Shenda vont au cinéma, Fred et Shenda vont en dédicace. Ils font des trucs au cinéma, ils font des trucs en dédicace. Oui, aussi, mais ils sont en dédicace au moins, pas tout le temps dans l'appartement. Que, je veux dire, que ça change un petit peu, parce que sinon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais... À la longue, quand même. Voilà. Bon. Et donc, ici, on a des petits morceaux d'histoire, donc il y a un peu plus. Mais ça manque... terriblement de non-dits et de profondeur dans la description, et au bout du deuxième tome quand même, sérieusement, ça lasse. Il y a des petits moments qui sont assez sympathiques. Shenda, devant son miroir, qui se rend compte, mais c'est en deux cases, quoi. On la lit se parler à elle-même, plutôt, et elle se rend compte, en fait, qu'ils ne vieilliront jamais ensemble. Il y a 20 ans entre deux, elle a la vingtaine, il a un peu plus que la quarantaine, et ils ne vieilliront jamais ensemble, effectivement. Il sera vieux avant elle, et puis ce sera elle, et puis lui, il sera peut-être mort. Et voilà, et on la voit qui se dit ça, et qui dit, ça me terrifie. Cut, c'est tout. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ça, ces petites failles dans les personnages, c'est très intéressant, mais bon, sur les 150 pages, je pense, du volume, il y en a vraiment très très peu, donc on reste, hélas, un peu sur sa fin. Les côtés intéressants du premier sont toujours là. C'est malgré tout audacieux et c'est rigolo, finalement, dans la description picaresque de leurs éba sexuels. Il y a un truc rigolo, c'est sympathique et tout ça, mais enfin... Moi, je reste un petit peu déçu quand même. Il y a un truc que j'aurais bien aimé voir développer. Voilà. Alors, changement complet de registre avec un album qui s'appelle Ma'at. On doit peut-être dire Mu'at. Mu'at, je ne sais pas très bien. C'est de l'égyptien ancien. Mu'at. Je n'ai plus pratiqué depuis un moment. Ben oui. C'est une déesse qui est en fait une déesse conceptuelle. Les Égyptiens étaient un peu compliqués avec leurs dieux. Grosso modo, Mu'at, c'est la déesse de l'ordre, de la loi, de la morale et de la justice. Donc plutôt de la loi dans le sens loi morale, bien entendu. Pas vraiment la justice des hommes, pas les tribunaux, quoi. Plutôt le... Celle qui rigole pas, quoi. Voilà, la loi morale, celle devant laquelle on devra rendre des comptes au moment de sa mort. Et d'ailleurs, dans la liturgie égyptienne, elle est représentée aux côtés d'Osiris et de Thoth et de tous les autres dieux qui accueillent le défunt dans le royaume de l'au-delà. Ce n'est pas du tout un film ce n'est pas du tout une bande dessinée archéologique. C'est une bande dessinée qui est plutôt... comment dire, tu vois Stanley Kubrick à la fin de 2001, Oui. Pareil, mais en ayant pris du LSD. Ah. Voilà. Peut-être que Kubrick avait pris du LSD pour le faire, on ne sait pas finalement. Ce ne serait pas si étonnant que ça. En avait-il vraiment besoin ? Non, c'est vrai, lui, il était déjà déjanté au départ. C'est un premier album d'un gars qui s'appelle Simon Felippo, paru chez Carabas. Maison d'édition, tout ce qu'il y a de plus respectable. Moi, fois Carabas, il me semble qu'on a déjà parlé une fois ou deux d'albums chez eux. Ils ne sont pas effrayés par l'expérimental. Et pour un premier album, alors il y a quand même une qualité absolument remarquable de ce truc, c'est que c'est d'une beauté, graphiquement, je veux dire. Hein. C'est... On se doutait que c'était pas la reliure qui était. Non, c'est pas un particulièrement bel objet, c'est un grand album cartonné, rien de particulier, mais la beauté du dessin est absolument saisissante puisque Simon Felippo a déjà un trait très sûr et en fait il se la joue un peu Bilal dans le sens où il s'étale la peinture à l'huile. Vraiment chaque case est absolument dessinée d'une manière, enfin c'est magnifique, la palette de couleurs, la précision des traits, c'est incroyable. Et il y a un peu plus que chez Bilal où quand même on est un peu question au rythme et tout ça, c'est quand même pas le top du top. Ici c'est tout à fait novateur, avoir une histoire aussi. Oui, c'est ça. Ici c'est tout à fait novateur puisque l'organisation des cases, c'est carrément de l'ASF dans la grande tradition de Druyer, Moebius, Dave McKean. On pense à tous les grands novateurs. Il y a par exemple des cases, il y a quatre planches de suite qui sont composées de cases. Donc je pense qu'il doit y avoir six lignes sur quatre cases, des petites cases carrées. Une case sur deux, c'est un fond gris avec du texte. L'autre case, c'est une partie d'un dessin qui se rapporte. Donc ça fait une espèce de mosaïque, comme ça. Et les cases, en fait, se rapportent les unes aux autres, mais se rapportent aussi à la page précédente et à la page suivante. Il y a des modifications, des trucs. Donc des dessins qui sont découpés avec plusieurs cases, des cases qui se rassemblent et qui jonglent entre elles, des mouvements entre les cases. C'est vraiment, enfin, c'est carrément de la bande dessinée d'avant-garde dans la plus pure tradition des années 70. Bon, ceci dit, comme tu disais, après, il faut une histoire. Or, c'est toujours bien, ça. Oui, ça aide malgré tout, finalement, pour tenir pendant, ici, je pense, une soixantaine de planches. Or, bon, c'est vrai qu'il y a une histoire de SF. Le titre est tout à fait éclairant par rapport au concept qui est derrière, donc de la loi et de l'ordre. C'est une histoire d'expérience génétique dans le futur avec une jeune femme qui acquiert des pouvoirs absolument terribles mais qui se perd un peu elle-même dans cette expérience parce que elle ne sait pas en fait qu'on a fait des expériences sur elle et alors elle va revenir sur Terre et essayer de découvrir ce qui est arrivé à son demi-frère, etc. Sauf que c'est pas du tout raconté comme ça, c'est raconté comme les errances et les rêveries d'une jeune femme qui ne sait pas très bien, elle ne sait plus parler, elle a perdu l'usage de la parole et donc c'est son trajet spirituel, je vais dire, voilà, c'est peut-être la meilleure manière de le dire, c'est ses pensées qui divaguent, et pendant ce temps-là, son corps et le monde font des choses, mais qui ne sont pas forcément connectées à l'intérieur tu de sa tête. Tu parlais de Bilal ? Oui. Alors, ça c'est ambitieux quelque chose. Ou c'est juste prétentieux ? Non, c'est ambitieux. Il n'y a pas un gramme de prétention, ça c'est certain, parce qu'il n'y a aucun effet de manche. C'est vraiment 100% honnête. C'est un premier album, donc ça a clairement les qualités, dans ce mode bizarre, les qualités et les défauts d'un premier album. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a mis tout ce qu'il avait dedans, qu'il a jeté ses tripes sur le papier, et vraiment, graphiquement, c'est étonnant. Il y a des choses qui sont mais vraiment tout à fait remarquables, mais maintenant, on sent bien aussi que tout ce qu'il avait au niveau de l'histoire, peut-être qu'il aurait pu faire un petit effort. Au minimum, rendre ça accessible. Je veux dire, les passages qui sont vraiment trop oniriques, trop philosophiques, si on avait eu quand même un petit grain d'action pour se rattraper au fin fond de l'histoire, parce que bon, c'est quand même assez... C'est pas facile, quoi, à suivre, l'air de rien. Enfin, je veux dire, si en plus, il faut se mettre à réfléchir... Oui, c'est ça, parce qu'en plus, la plupart des planches, quand on les regarde, si on fait pas très attention, ça a l'air d'être des peintures abstraites, hein, quand même. Donc... Passer 60 planches devant des peintures abstraites, certes très belles, mais avec une histoire qu'on ne comprend pas fort bien et qui est racontée par une bonne femme qui a perdu l'usage de la parole et qui divague dans son monde à elle, ce n'est pas la lecture la plus facile de la semaine. Ça, c'est bien certain. Mais enfin, bon, c'est intéressant. Donc si vous aimez les beaux objets graphiques, les expérimentations en dessin et que vous n'avez pas peur de vous perdre un peu dans quelque chose qui est un peu expérimental, mon Dieu, vous pouvez faire l'effort. Ça vaut franchement la peine. Dans le style expérimentation jolie. Voilà. Alors, dans le rayon truc dans la bizarre. Famille des... Voilà. Dans la famille, truc bizarre qu'on ne comprend pas forcément, c'est un peu ça. Alors, deux petites choses pour terminer qui ne... On ne va pas non plus passer la semaine là-dessus, mais bon, l'envolée sauvage de Galandon et Monin aux éditions Bambou. Alors Bambou, c'est ces éditions qui sont célèbres pour avoir publié ces grands recueils intellectuels tels que Les Profs, Les Blondes, etc. Donc de la BD carrément haut de gamme. Oui. Et ben là, lui est approuvé par l'Académie française. Oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, certains éditeurs de chez Bambou sont membres de l'Académie. On le sait peu. Et donc l'envolée sauvage, deux tomes parus, un troisième à paraître, autour de l'histoire du petit Simon, qui est un enfant orphelin et adopté dans le sud de la France, et pas de chance, il est juif, on est en 42. Ça la fout toujours mal. Et donc une histoire curieusement très réaliste, qui éveille des thèmes, ça va pas bien loin, hein, je veux dire, on est carrément pas dans l'expérimental. Graphisme plaisant, sympathique, et des thèmes, bah oui, graves, tout ce qu'on veut, mais enfin, bon, c'est évoqué de manière assez normale. N'empêche que le récit est plaisant, et donc c'est vraiment une très très bonne surprise aux éditions Bambou, ce petit L'Envolée Sauvage. Moi, je me réjouis de voir le tome 3. Deux tomes parus, le deuxième vient de paraître. Voilà, n'allez pas voir le reste de la collection, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et dernière BD pour la semaine, Munoz. David Munoz, dont on avait, je pense, déjà parlé dans cette émission, non ? C'est possible, oui. Voilà, bon. Ça s'appelle Le Manoir des Murmures, le tome 1, titré Sarah. Une histoire qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux environs de Prague, dans un mystérieux orphelinat qui s'appelle la Fondation Brummel, où on soigne de jeunes enfants qui seraient soi-disant victimes d'un terrible virus. Mais déjà dans ce tome 1, on voit bien qu'il y a de drôles de manuscrits qui ressortent de la bibliothèque de l'orphelinat, de la Fondation plutôt, et qu'il y aurait, à mon avis, plutôt une histoire de monstres, voire de loup-garou, voire les deux, qui se trament là-dessous. Allez savoir. Et donc la jeune Sarah, ben, elle va être victime, enfin va en tout cas vivre ces événements, va être tantôt l'observateur privilégié, tantôt la pierre angulaire, car elle aussi serait victime de ce terrible virus, et ce serait une des raisons pour laquelle on la garde dans ce manoir des murmures. Alors elle va s'y faire des amis, et ben, elle va essayer tout doucement de réaliser ce qui se passe, puisque effectivement il y a des monstres, clairement il y a des monstres, donc on est dans le fantastique, on est dans un univers un peu comme celui de Ted Griffith, celui qui fait la petite fille avec les sorciers et tout ça. Courtney Crumrin, voilà. Ça, c'est le personnage. Voilà, Courtney Crumrin. C'est qui encore l'auteur, Virginie? Toi, tu sais, hein, ça. Si, c'est Ted McCrimmon. Tu vois la BD, mais l'auteur... Voilà. Comment? Un Américain. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Ouais, ok. Ça fait un peu penser... Tu as vu les snus ou quoi? Je suis complètement à la masse, moi, aujourd'hui. Désolé, je vais faire un effort, je vais me reprendre. Donc, graphiquement, ça fait un petit peu penser à ça, mais ici, on est en couleur et on est dans un truc beaucoup plus... beaucoup moins baroque, hein, quand même. C'est beaucoup plus accessible. Graphisme très plaisant et un récit... qui a vraiment de grandes qualités dans son découpage et dans son rythme. Et mais peut-être que c'est ça le truc finalement, mettre trois Espagnols ensemble, comme ça ils se comprennent. Et voilà, parce que en fait les couleurs sont de Tirso Cons et le scénario est de Rafi Montes, dont je pense on a déjà parlé aussi dans cette émission. C'est paru aux Humanoïdes Associés et ça s'appelle donc Le Manoir des Murmures, tome 1. Et là il n'y a pas d'indication de parution, donc vraisemblablement il y en aura plus que un. Mais voilà. Souvent, quand il y a tome 1, ça appelle un tome 2. C'est curieux comme ça peut appeler un tome 2. C'est fou, hein. Voilà. C'est... Mais donc, je sais pas si c'est un truc qui est prévu en deux volumes ou si c'est une série qui commence. Pas beaucoup d'informations là-dessus chez les Humanos. Et donc, encore une fois, tu te rends compte que ça doit faire facilement 6 mois que presque toutes les semaines, on a une BD des Humanos. C'est hallucinant quand même. Donc, parfois quand même disait, des bonnes. Mais ça, c'est une bonne BD, enfin. On ne parle que des bonnes BD, Bruno. Ou alors on le dit qu'elles sont mauvaises. Donc on D'accord. parle des mauvaises aussi. Oui, non. On parle que des bonnes et quand elles sont des mauvaises, on le dit. Je me comprends.